comme une soif de partir sans fric, entre les pages d'un livre ou sur une plage rendue ivre par des lieux sauvages des criques. Soif d'un juste milieu, soif de louanges pour nos martyrs, de ressentir que des anges traînent sous les cieux. Soif de gestes gracieux, d'un bonheur à la sauvette. Soif d'être audacieux, j'attends mon heure dans la navette. Soif de garder honneur et respect face aux reproches. Soif de paix pour nos proches, du prude au plus grand des conneurs. Soif de cran devant des connards, d'être rude dans l'impact. J'ai la soif d'un zonard artiste errant sur de compacts. Soif de voir mes parents, ces repères qui me régulent. Soif d'une paire de virgules, pourtant pas soif d'être apparent. Soif de quitter ceux qui me bottent, de risques sans remords. De voir acquitter tous les potes, à trop tourner leur disque est mort. Soif de revoir mes cinq, de détourner leurs soucis. De tout retourner même à cinq d'une dernière tournée ce coup-ci. J'ai comme une soif de liberté, pouvoir enfin m'évader. Brisons les règles qu'ils ont dressées. J'ai soif de voir enfin mes rêves devenir réalité. Ouais, j'ai comme une soif de liberté, pouvoir enfin m'exprimer. Marquer le disque, comment penser. J'ai simplement comme une soif d'authenticité. Comme une soif que rien ne désaltère. Mon cœur et mes artères ont soif de sang neuf pendant que déblatère. Soif de cette joie que nos angoisses occultent. J'ai soif de rimes, alors peaufine celle-ci mais n'en remplace aucune. Soif de rencontre et de solitude. J'ai des frissons devant la femme quand mon voisin a soif de joli cul. Soif d'amour même affairé à sillonner la ville. Soif de son appel car c'est lui seul qui m'a donné la vie. Soif d'écriture mais les mots sont des traîtres. Les saisons se répètent, nos peines sont profondes comme l'oraison des prêtres. J'ai soif de cette vie même quand elle s'éloigne. J'ai soif de cette vie que mes rimes en témoignent. J'ai soif de ces détails que tu négliges. Les érige en pierres de taille sur lesquelles ma plume s'aiguise. Soif de médailles, non, j'ai soif d'une autre soif. Quand l'insatisfaction devient le seul salaire de notre taf. J'ai comme une soif de liberté, pouvoir enfin m'évader. Brisons les règles qu'ils ont dressées. J'ai soif de voir enfin mes rêves devenir réalité. Ouais, j'ai comme une soif de liberté, pouvoir enfin m'exprimer. Marquer le disque, comment penser. J'ai simplement comme une soif d'authenticité. Soif de tout car mon passé reste désertique. Soif coupable quand le double en moi fait tomber ses verdicts. Soif de cette ivresse qu'ils réduisent à l'alcool. Soif d'enfin quitter le réduit et l'alcool. Comme une soif d'ouverture, de sens et de vertu. De silence et de lecture, de prise de conscience et d'air pur. Soif de la source cachée derrière les devantures. Soif de ce je ne sais quoi qui s'atteint d'aventure. Soif d'amour sans antidote, de sentiments vrais. Même le ciment est navré là où tour à tour ça radote. Soif d'un grand retour aux sources. Le fleuve est pollué, tout sa preuve d'un son dilué. Les miens ne sont plus dans la course. Soif d'un salam aux anciens, de raviver leurs valeurs. D'esquiver mon malheur, de mettre mon vague à la manchien. Soif de me permettre sans frein d'arriver à mes fins. Sans me compromettre enfin, ne pas me priver d'un refrain. J'ai comme une soif de liberté, pouvoir enfin m'évader. Brisons les règles qu'ils ont dressées. J'ai soif de voir enfin mes rêves devenir réalité. Ouais, j'ai comme une soif de liberté, pouvoir enfin m'exprimer. Marquer le disque, comment penser. J'ai simplement comme une soif d'authenticité.